Si ton vin est rouge, bois-le dans la bouche de ta bien-aimée. Si ton vin est jaune, c'est sur son épaule qu'il faut le laver. Si ton vin est blanc, un peu de ton sang le fera roser. Si ton vin est noir, conte ton histoire, on t'aime, tu sais. Souviens-toi, Mireille, de cette merveille de petit Mordeaux. Tu secouais la tête, croquais de noisettes, vidais ton flacon. Souviens-toi, Sophie, des heures bénies passées sur la tour. Sur la tour d'Antibes, à peine lucide, plein de vin d'amour. En son vin d'Espagne, que nous recrachâmes son goût de carreau. Nous chavirait l'âme, vite du champagne, dans la gorge à flot. Dis-moi, Léonore, avons-nous encore quelque argent, tu crois? Commande quand même, tant pis si ça mène au commissariat. Tendez-moi vos verres, toi la bistroquière, toi le bistroquier. Allons, pachyderme, oublie ton auvergne et ton or est caché. Enlace ta femme, mets-la sur la table et fais-lui l'amour. Une fois dans ta vie, entends la folie, crétin, tu es sourd. Si ton vin est rouge, bois-le dans la bouche de ta bien-aimée. Si ton vin est jaune, c'est sur son épaule qu'il faut le laver. Si ton vin est blanc, un peu de ton sang le fera roser. Si ton vin est noir, conte ton histoire. On t'aime, tu sais.